entier. Alléluia. Alléluia. Majesté. Majesté. Fermez les yeux et priez. Majesté. Adieu la majesté. Je sens qu'il y a certaines personnes ici qui ont un point de référence ou bien de repère. Pour un membre de famille, pour la délivrance d'un membre de famille. Est-ce que tu peux fermer les yeux et prier pour cette personne ce matin? Le Seigneur va te toucher et toucher la vie de ce membre de famille au nom de Jésus. Ce matin, au nom de Jésus, peut-être que c'est un cousin, Seigneur, touche la personne et guérit la personne ce matin. Au nom de Jésus, ceux qui sont malades, les maux de tête, les maux de foie, maux de pied. Oh Seigneur, je prie de la danse ce matin, les yeux. Seigneur, je prie pour la guérison. La puissance de résurrection repose sur nous ce matin. Oh Seigneur, merci. Merci. Au nom de Jésus. En présence de sa majesté. Je veux m'enraciner en toi. Jésus est. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus est. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus est. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus est. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi. Jésus est. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi. Jésus est. Quand viendront le vent la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus est. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus est. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Oh, je veux m'enraciner en toi, Jésus est. Le Seigneur te donne une certaine puissance. Quand viendront le vent et la tempête, résister les difficultés, les tentations, la tempête, le vent. Je veux m'enraciner en toi. résister. Father, we thank you. Seigneur, nous te remercions. Oh, pour la puissance de résurrection, la puissance du Saint-Esprit pour nous fortifier. Oh, pour nous permettre de résister. La capacité, Seigneur, de résister. Les difficultés, de surmonter les difficultés. De résister les tentations. De résister les moments difficiles, Seigneur. Oh, Seigneur, nous prenons racine. Racine profonde, Seigneur, nous sommes solides. Oh, nous sommes engagés. Nous sommes plantés dans ta maison ce matin. Oh, ta puissance nous permet d'être enraciné, Seigneur. Merci pour cette puissance, Seigneur, ce matin. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci. Au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Je veux vous rappeler que ce mois, c'est un mois de d'évangélisation, alléluia. Un mois où tout le monde, hein, de cette semaine, on aura six semaines jusqu'en août, alléluia, pour gagner les âmes, alléluia. Et comme église, on a décidé que chaque personne va gagner trois personnes. Est-ce que vous comprenez? Chaque membre de l'église va essayer durant ces six semaines gagner trois âmes. Alléluia. Est-ce que c'est possible? C'est bon? Il y a les amis, les collègues, alléluia, les voisins. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous comprenez? Donc, la semaine du 12, ok? Le 12, ça c'est dimanche prochain. C'est dimanche prochain, le 12? Dimanche prochain, non? Vous ne savez pas. Yeah, le 12 juillet, alléluia, on va amener nos amis. Si tu as un ami qui ne va pas à l'église, alléluia, on va l'inviter. Amen? Est-ce que c'est bon? Yeah, on a des amis qui sont à l'école, à l'hostel, alléluia. À partir d'aujourd'hui, tu commences à lui dire que mon frère, c'est ce mois-là, tu dois aller à l'église. Alléluia. Amen. Yeah. Et donc, dimanche, je vais t'amener à l'église. On va aller. Alléluia. Faut l'expliquer que sa vie, c'est Dieu qui lui donne la vie chaque jour. Et il doit reconnaître ça. Amen. Et puis, amener la personne. Alléluia. Et le dimanche, sur le prochain, alléluia, on va amener. Ok, on va amener nos collègues de classe. Alléluia. Peut-être qu'il n'est pas ton ami, mais il est dans ta classe. Dans la même classe, faites la même formation. Ou bien, vous ne faites pas la même formation, mais ils sont dans la même école. Alléluia. Il faut aller lui dire, mon frère, je m'appelle quoi? Jean-Baptiste. Alléluia. Yeah. Et puis il dit que je vais t'inviter à l'église dimanche prochain. Alléluia. Dimanche prochain. Ça c'est le 19. Ça non? Il y a le 19. Puis amène un camarade ou bien d'école. C'est bon? Yeah. Amène la personne. Il ne va pas à l'église. Amène-le à l'église. Alléluia. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous prenez note? Dimanche prochain, c'est les amis. Dimanche prochain, c'est les camarades de classe, ou bien camarades d'école. Peut-être que dans ta classe, tout le monde est chrétien. Peut-être pas la grâce de Dieu. Et donc, dans l'école, les autres classes, les autres formations, tu peux inviter quelqu'un qui n'est pas ton ami. Alléluia. Et le dimanche, le troisième dimanche, on invite un compatriote. Alléluia. C'est ça, non? Congolais. Daniel. Tu es congolaise. Hey, chaque fois, je pense que tu es congolaise. Alors que tu es gabonaise. Alléluia. Yeah. Invite un compatriote. C'est un compatriote, c'est quelqu'un qui vient de ton pays, non? Yeah. Association des Burkinabés. Avant l'association dit aujourd'hui, je vous invite à l'église. Ou bien, yeah, je vous invite à l'église. Ça, c'est le 20 combien? Le 26 juillet. Est-ce que c'est bon? Yeah, c'est un mois d'évangélisation. Et je veux vous rappeler que la vision de cette église, c'est pour gagner les âmes. Alléluia. C'est quoi? On a pris tout un mois consacré pour l'évangélisation. Normalement, c'est deux mois. Le mois de mai et puis le mois de juillet. Alléluia. Pour évangéliser. La vision de cette église, c'est d'évangéliser, de gagner les âmes et les établir. Alléluia. Parce que parfois, tu peux gagner un âme, il vient dans sa vie et puis il est parti, il retourne dans sa vie ancienne. C'est comme ce que tu as fait, inutile. Alléluia. Mais ce que nous faisons, c'est pouvoir établir la personne et pouvoir encourager, c'est d'amener la personne à l'église jusqu'à ce que la personne soit établie. Alléluia. Ça ne fait pas automatiquement. C'est pas automatique. On doit investir dans la vie de la personne. Hein? L'investissement, c'est l'encouragement, aide, amener la personne à l'église, l'encourager, prier pour lui, le visiter. Ce sont des investissements. C'est pas financier. Alléluia. Investissement spirituel pour que la personne puisse s'établir dans l'église. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, la vision de cette église, gagner les âmes, établir les âmes dans l'église, qu'ils soient établis, engagés, alléluia, et puis construire les églises, alléluia. Et donc, tout l'argent que l'on prend, toutes tes offrandes, ta dîme, c'est pourquoi tout le monde, hein, tout le monde doit payer la dîme, c'est pour gagner les âmes, alléluia, parce qu'il y a des villages où ils n'ont jamais entendu parler de Jésus. On doit aller là-bas, alléluia, yeah. On doit aller les gagner. Et dans ton argent, c'est pour gagner les âmes. Envoyer les gens dans les villages, dans les pays, pour aller gagner les âmes. Alléluia. Aujourd'hui au Congo, on a Lighthouse au Congo. Yeah, Congo Brazza. C'est ça, non? Yeah, Congo Brazza. Yeah. Yeah. Congo Brazza. Côte d'Ivoire. On a Lighthouse en Côte d'Ivoire. Yeah. Yeah. Est-ce que vous comprenez? Gabon. Gabon, c'est comme un pays de Lighthouse même. Beaucoup. Beaucoup. Yeah. Le révérend Gildas. La fois passée, il a fait une convention. Va aller voir les Gabonais. Cash. Il est allé au Congo aussi. C'était pas facile. Alléluia. Gagner les âmes. Aller au Togo. On a une petite Kodesh à Togo. Togo. Yeah. Le révérend Selassie. Il a construit une petite Kodesh. C'est merveilleux. C'est ça, Lighthouse. L'argent que vous donnez, c'est ce que nous sommes en train de faire. Kodesh. Alléluia. Il veut commencer First Love. Au Togo. Yeah. L'argent que tu donnes, Donc, si tu veux donner, donne beaucoup. Un jour, tu vas arriver au ciel et puis un Togolais va te rencontrer et dire, ah, je ne te connais pas. Mais c'est comme tu as donné une offrande là. C'est pourquoi je suis ici. Yeah. À Togo. Allez au Burkina. Yeah. Au Burkina. C'était le révérend Ayos. Il a commencé. Maintenant, il est maintenant au Bénin. Il y a aussi là, il est à Bénin. Il est maintenant au Bénin. Yeah. Et puis, il y a une autre personne qui est envoyée au Burkina. Au Mali, Lighthouse. Sénégal, Lighthouse. Gambie, Guinée-Conakry. Guinée-Équateur. On parle l'espagnol là-bas. Yeah. Lighthouse. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Yeah. Yeah. Tchad. On a commencé Lighthouse à Tchad. Yeah. Yeah. Tchad. Yeah. Cela sont les pays francophones. Sans parler des autres pays. Il y a Lighthouse. Gagner les âmes. Donc l'argent que tu donnes. Peut-être quelqu'un au Kenya. Un Kenya va te trouver un jour au ciel. Il va dire, hey, mon frère, Gildas, mon frère, Brunel, mon frère, Golda, tu as donné ta dîme là. C'est pourquoi je suis ici. Tu as donné l'offrande là, c'est pourquoi je suis ici. Vous serez surpris. C'est comme je suis en train de blaguer, mais c'est la vérité. Yeah, c'est la vérité. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? On envoie les missionnaires. Yeah, c'est pourquoi cette église. Oh, ce mois, qui n'a pas ce livre? Tu dois acheter ce livre aujourd'hui. Dans cette église, tout le monde peut faire l'œuvre de Dieu. Yeah. Yeah. Parfois, lorsqu'on parle, oh, tu peux faire l'œuvre de Dieu, les gens ont la fièvre. Lorsque tu lis ce livre, tu ne vas plus avoir la fièvre. Lorsqu'on parle de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Tu ne vas pas avoir la fièvre. Donc, est-ce qu'on a des copies? Qui n'a pas le livre? Tu dois acheter le livre. Tout le monde, ce mois. Tu dois acheter le livre. C'est 15 Ghana. Normalement, c'est 35 Ghana. Mais pour ce mois, ou bien dans l'église, on va ça à 15 Ghana. Lorsque tu vas au bookshop, c'est 35 Ghana. Alléluia. Comprendre que toi, tu es appelé. Tout le monde est appelé. Yeah. Je te dis d'abord, avant de lire le livre, parce que le livre va t'expliquer plus. Bien sûr, on va apprendre certaines choses. Yeah. Tout le monde est appelé. Beaucoup sont appelés. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que vous voulez? Beaucoup sont appelés. Beaucoup de chrétiens sont appelés. Tout le monde est appelé. Alléluia. Le Seigneur, l'évêque a posé une question. Il a dit, si vous étiez Dieu, si c'est toi qui es Dieu, et que tu as 6 milliards de personnes à sauver, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas envoyer seulement 2 personnes pour aller sauver 6 milliards? Hein? Est-ce que tu vas envoyer seulement 3 personnes seulement pour sauver les 6 milliards? Est-ce que tu vas seulement envoyer Benehin, Dak, qui aussi? Duncan William, qui aussi? Pasteur Chris, Otabil, qui? Kenneth Hagin, qui? John Austin, Oyedepo, qui aussi? Pardon? Ren Bonke, est-ce que tu vas avoir seulement 9 personnes? Parce que les 9 personnes viennent de mentionner. Tu vas seulement avoir 9 personnes pour aller gagner les 6 milliards. Non? Non, c'est pourquoi la vie, beaucoup sont appelés. Nombreux sont appelés. Nombreux, parce que Dieu a le monde entier pour gagner. Sinon, beaucoup vont aller dans l'enfer. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il y a donc beaucoup sont appelés. Beaucoup de chrétiens sont appelés. Alléluia. Donc, si tu veux une copie, hein, c'est le livre duquel je vais prêcher. Et on l'appelle Vision 527. Alléluia. Hein, qui nous dit de 1 Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 27, qui dit de lire ensemble. Alléluia. Et donc nous allons lire ça ensemble. Le livre ensemble. Donc tu dois avoir le livre pour que nous tous nous lisons ensemble. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes avec moi? Vous comprenez? Les gens ne comprennent pas. Vous ne comprenez pas? Vous comprenez? Yeah, parce que vous ne répondez pas, je ne vois pas. Donc, je sais comment tu comprends pas. Alléluia. Yeah. Donc, si tu veux une copie, Stéphane, 15 Ghana. Hein? 15 Ghana Nahan. Et le livre, on te donne le livre. Ok? 15 Ghana. On a vraiment réduit à plus de 50%. Plus de 50%. 35 Ghana et 15 Ghana. Quel est le pourcentage? Quel est le pourcentage? Vous êtes les mathématiciens? Alberic? Johan? Combien de pourcents? Combien de pourcents? 37. Combien? 60%. On a réduit 60%. Donc on achète le livre à 40% du prix. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Alléluia. C'est bon? Yeah. Donc aujourd'hui, beaucoup sont appelés. Chapitre 2. Donc vous pouvez lire avec moi. C'est ce que on va faire. Donc tu dois avoir les livres. Qui sont ceux qui ont les livres? Ce sont ceux qui ont les livres? Waouh! Beaucoup n'ont pas les livres. Pas d'argent? 15 Ghana? Pardon? C'est les âmes. Non, tout le monde. C'est pas, il n'y a pas de différence. Tout le monde. Tout le monde a, vous n'êtes pas au courant, donc vous n'êtes pas préparé. Il n'y a pas le western. On attend le western. C'est qu'on a, on a fait des calculs avec le western déjà. Oh. Pasteur. Alléluia. Mais tu vas voir la bénédiction que tu vas recevoir. C'est plus que Kengana ici. Yeah, parfois, on ne réalise pas. Les bénédictions de Dieu, parfois, c'est, on ne peut pas quantifier. Hein, c'est ça? Quantifier, mais ça, calculer, dit que ça, c'est, ça coûte. Non. Non. Depuis le mois passé, tu n'es pas allé à l'hôpital. Et puis tu es ici. Tu penses que c'est toi qui as fait? Non, c'est Dieu. Dieu, la bénédiction de Dieu, parfois, on ne voit pas. Il y a les gens. Là, on a regardé la vidéo hier. Il y a un gars qui disait qu'il est guéri. Avant, il dit qu'il n'arrivait pas à mettre la main dans la bouche. Il ne pouvait pas prendre à l'oco et puis mettre ça dans la bouche. Il ne pouvait pas faire. Alléluia. Et puis, il est guéri. Maintenant, il pouvait faire comme ça. Regardez, il y a des maladies. Si on vient, on donne des témoignages là. C'est comme si tu n'as pas, tu n'as jamais expérimenté quelque chose comme ça, tu dis, oh, ok, ok. Les gens souffraient vraiment, souffrent. Alléluia. Et toi, tu es ici, tu peux rire. Il y a des gens qui veulent rire, mais ne peuvent pas montrer leurs dents à cause d'une maladie. Yeah, toi, tu peux rire. Ou bien, yeah, tu peux marcher. Les gens qui peuvent même danser, faire leur corps comme ça et puis danser. Et les gens n'arrivent pas à bouger le corps. Toi, tu arrives à bouger le corps. Tu penses que c'est toi, ami, moi, ok, moi, je suis gabonais, donc, hey, c'est Dieu qui a fait. C'est Dieu qui fait. Alléluia. Dans les bénédictions de Dieu, parfois, on ne sait pas. Tu vas lire ce livre et tu auras dérivé de quelque chose. Yeah. Tu vas lire ce livre, tu vas recevoir quelque chose. Dieu va pouvoir quelque chose. Tu vas lire ce livre et puis tu vas décider de faire quelque chose pour Dieu qui sera, porte sera ouverte pour toi pour entrer dans une bénédiction. Tu ne sais pas. Donc 15 ganas, c'est rien. En fait, 35 ganas, c'est rien. Alléluia. Mais on verra ça un peu plus facile pour nous. Donc c'est pourquoi on a fait 15%. 15 ganas. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc dimanche prochain, je vais voir dans la semaine. Essaye de trouver quelque chose. Achète le livre. Achète le livre. Alléluia. Achète le livre. Le livre, il y a beaucoup dedans, beaucoup de choses. Hein? Comment on dit? Le vendredi passé, on a eu veillé. Qui sont ceux qui sont à la veillée? J'ai annoncé ça, mais beaucoup ne sont pas venus. Waouh! Vous ne savez pas ce qui est bon pour vous. Vous ne savez pas ce qui est bon pour vous. Alléluia. On a prié certaines prières. J'ai dit, Seigneur, si ce n'est pas le livre, je n'allais pas savoir qu'on peut. Il y a certaines choses. Il y a Mazaro. Pléiade. Tu connais Pléiade? Tu connais Orion? Tu ne connais pas? Les astres qui influencent l'être humain sur la terre. Il y a une loi des astres qui t'influence sur la terre. Tu te comportes d'une manière que toi-même, tu ne comprends pas pourquoi. Il y a une influence quelque part. Et on a prié contre ces lois. Et la lune et les étoiles nous influencent. Est-ce que tu savais? Tu ne savais pas. Tu as dit, waouh. Mais ça se trouve dans un livre. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a des secrets qui sont dans les livres. Mais nous, on ne lit pas. C'est pourquoi on est là, on marche comme ça, et puis on va te balader comme ça, sans savoir qu'il y a des choses qui nous influencent. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah, je suis en train de montrer l'importance d'un livre. L'importance d'un livre. C'est pas des livres que j'ai, je comprends certains versets dans la Bible. C'est pas un livre que je comprends bien certains versets. Yeah. C'est les livres. Lorsque j'ai commencé à lire la Bible, je ne comprenais rien. C'est des livres qui m'ont aidé à commencer à comprendre. À comprendre les versets, la Bible. Et puis maintenant, je peux fermer le livre et puis lire la Bible et puis comprendre la Bible. Yeah, j'ai commencé avec les livres. Il m'a expliqué. Parce que je lis, allez, quel vers, ça c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Ça c'est la Bible. Et puis c'est ennuyant. Parce que j'ai commencé à lire la Bible. Je n'ai pas lu, j'ai pas la même envie. Mais lorsque j'ai pris un livre, et puis le livre a expliqué, Dieu a donné une révélation à quelqu'un, puis a écrit un livre, expliqué le verset, et puis j'ai commencé à comprendre. Et la compréhension a commencé maintenant. Compréhension des choses spirituelles ont commencé à venir. Alléluia. Qu'est-ce que je suis en train de pour te dire l'importance d'un livre. Il y a beaucoup de choses que tu ne vas jamais comprendre lorsque tu lis la Bible. À moins que le Saint-Esprit te donne. Mais lorsque tu prends, le Saint-Esprit a déjà donné une révélation à quelqu'un. Et la personne a écrit. Donc tu n'as pas besoin de rester et puis dire Seigneur, donne-moi révélation. Donc, non. Quelqu'un a déjà eu la révélation. La Bible dit que les choses ont déjà été écrites pour nous. Pour nous. Déjà été écrites pour nous. Alléluia. Donc quelqu'un a eu la révélation. Je ne dois pas prier pour la révélation pour comprendre. Non. Je lis seulement et puis je comprends. Alléluia. Amen. Donc, s'il te plaît, ceux qui n'ont pas le livre, dimanche prochain, ou bien dans la semaine, il faut dire à Boukaz, réserve-moi une copie. Alléluia. Parce que ça finit ici, connais ces 35 Ghanans dans le bookshop. Ces 35 Ghanans. Alléluia. Est-ce que c'est bon? Yeah. Donc, ce matin, nous sommes sur le chapitre 2. Alléluia. Beaucoup de chrétiens sont appelés. Si vous étiez Dieu et que vous étiez Dieu et que vous aviez 6 milliards de personnes à sauver, que feriez-vous? Auriez-vous envoyé une ou bien deux personnes pour les sauver ou leur envirer un grand nombre de personnes? Alléluia. Yeah, tu vas envoyer beaucoup de personnes. Alléluia. C'est pourquoi le verset est là. Matthieu 22, verset 14. Beaucoup sont appelés. Mais peu sont choisis. Alléluia. Peu répondent à l'appel. Peu répondent à l'appel. Alléluia. Hein? Pour des raisons. Pour beaucoup de raisons. Parce que les gens ne savent pas qu'ils sont appelés. Beaucoup ne savent pas qu'ils sont appelés. Beaucoup d'entre vous ici, vous êtes appelés, mais vous ne savez pas. Alléluia. Tu ne sais pas que tu es appelé. Donc, en lisant le livre, tu vas comprendre. Et tu vas savoir que tu es appelé. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Yeah. Et donc, il a essayé de... Qu'est-ce que veut dire? Que veut dire? Que signifie beaucoup sont appelés? Waouh! Ça même, c'est une révélation. Beaucoup sont appelés signifie qu'un grand nombre de personnes. Beaucoup, un grand nombre. Hein? Les masses sont appelées. Un nombre important de personnes sont appelées. Alléluia! De nombreuses personnes. Hein? Un nombre incalculable. Waouh! Un homme incalculable. Amen. Est-ce que vous comprenez? Un homme incalculable. Beaucoup de gens sont appelés. La majorité des gens sont appelés. Donc si nous sommes 60, 80 ici, la majorité des personnes ici sont appelées. Ce n'est pas seulement les 10 bergers ou bien les 20 bergers qui sont appelés. Ou bien? Non, c'est pas. La majorité et la plupart des gens sont appelés. Alléluia. Donc, beaucoup sont appelés. Beaucoup sont appelés. Hein? Ça, c'est la première chose que nous devons savoir. Beaucoup sont appelés. Nombreuses personnes, la plupart, la majorité, un nombre incalculable hein, de personnes sont appelées pour faire l'œuvre. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Yeah. Yeah. Éphésiens chapitre 4, verset 11 et verset 12. Alléluia. Hein? Tu ne dois pas prendre ta Bible, c'est dans le livre, la page 7, ok? Le premier paragraphe. Et de ceux qui n'ont pas le livre, vous pouvez ouvrir Éphésiens 4, verset 11. Hein? Éphésiens 4, verset 11. Alléluia. Et il a donné les gens comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alléluia! Yeah. Yeah. Beaucoup de nous, les pasteurs, on ne dit pas la vérité aux gens, aux membres de l'église. Alléluia. On ne dit pas, la plupart des gens, on ne dit pas. On vient à l'église et puis on parle seulement de la prospérité, seulement du mariage, pas seulement des possessions. Hein? Possessions, des richesses, pas seulement de cela. On ne parle pas de l'œuvre de Dieu. Mais qu'est-ce que ce verset nous dit? Bien, ces deux versets. Il dit, il a donné des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre et de l'édification. Alléluia. En vue de l'œuvre, donc nous devons vous perfectionner pour faire l'œuvre. Il a donné des apôtres, des évangélistes, des prophètes. Si tu vois un prophète qui ne parle pas d'évangile, il n'est pas un bon prophète. Un prophète qui n'a pas d'église, il n'est pas un bon prophète. Qu'est-ce que le verset dit? Le pain pour perfectionner les saints en vue de l'œuvre du ministère. Alléluia! Yeah! Yeah! Donc nous sommes pour vous montrer, pour te perfectionner, pour te dire que non, la fornication n'est pas bon. Le vol n'est pas bon. Alléluia! Hein, le maçon n'est pas bon. Pour que tu puisses, tu es perfectionné pour faire l'œuvre. Alléluia. Pour faire l'œuvre. Pour faire l'œuvre, pour te montrer quoi faire. Alléluia. Pour te montrer comment prier. Pour te montrer comment lire la Bible. Comment faire ton quiet time, ton temps de recueillement. Comment le faire. Alléluia. Pour que tu puisses faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Yeah. Donc je suis là pour vous perfectionner, pour faire l'œuvre. C'est bon? Yeah. Parce que beaucoup d'entre nous, nous sommes appelés. Nous sommes appelés. Nous sommes appelés. Si tu forniques, tu ne peux pas faire l'œuvre. Yeah. Tu forniques avec les filles. Tu ne peux pas aller leur dire que de donner leur vie à Dieu. Tu vois que toi-même, tu ne peux même pas aller dire ça. Donc je te dis d'arrêter la fornication et maintenant tu auras la chance pour dire à quelqu'un donne ta vie à Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Yeah, donne ta vie à Dieu. Donne ta vie à Dieu. Yeah. Yeah. Alléluia. Donc beaucoup sont appelés. Deuxième chose que nous devons connaître de l'appel. Il y a combien de choses à connaître? On a cinq choses, cinq remarques importantes sur l'appel. La première remarque, c'est beaucoup sont appelés. Deuxième remarque, il dit qu'il existe un appel à la fécondité. Yeah, à la fécondité. Hein? Un appel pour porter de fruits. Alléluia. C'est ça, cela veut dire porter de fruits. Hein? Il y a Kay Green. Hein? C'est un musicien chrétien. Alléluia. Il a écrit beaucoup de chants, mais il est décédé à l'âge de 20 combien? À l'âge de 25 ans, je pense. Alléluia. Il y a un jeune chrétien, musicien, qui chantait pour Dieu vraiment. Ses chants, c'est sur l'évangélisation. Tous ses chants, c'est sur l'évangélisation. Mais il est décédé à l'âge de 25 ans, je pense, 25 ans. Oh, c'était grave. Il a pris sa famille, ses enfants, et puis il a pris un avion, un hélicoptère comme ça. Il a pris ses enfants. Et puis, l'avion a eu l'accident. Ils sont tous décédés. Je pense qu'il y avait 5 dans l'hélicoptère. Décédés. Alléluia. On va te dire, adieu, pourquoi tu as fait ça? Un gars, quelqu'un qui chante de l'évangélisation, gagner les âmes. Pourquoi tu l'as... Il a fini sa mission. Il a fini. C'est tout ce que le Seigneur a envoyé pour venir faire. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi le premier chapitre est là. Hier, on a parlé de cela, le premier chapitre. Pourquoi tu es toujours en vie? Parce que tu n'as pas accompli ta mission. Ta mission, ce n'est pas le diplôme de mathématiques. Ce n'est pas l'ordinateur. Est-ce que tu es né pour l'ordinateur? Pour faire l'informatique? Non. Il y a une plus grande mission pour toi. Yeah, c'est l'œuvre de Dieu. Parce que l'ordinateur, on va aller. Lorsque tu meurs, ton ordinateur, quelqu'un va l'utiliser. On va pas mettre ça dans le cercueil. Alléluia. Yeah, ceux qui ont de l'argent, mets ça dans la banque, banque, banque, banque, banque. Tu vas mourir et puis les gens vont utiliser pour toi. Au lieu de donner ça comme digne et offrande, gagner des âmes pour toi, tu gagnes. Mets ça dans la poche. Mais pasteur, je ne vais pas enlever. C'est ce que tu dis, pasteur, je ne vais jamais enlever. Yeah. Oh, il est l'heure. Ok. Les anglophones, ça arrive, ok? C'est pourquoi on doit trouver une place, ok? Alléluia. Donc ce gars, Kate Green, il a dit, vous n'avez pas besoin d'entendre un appel. Vous êtes déjà appelé. Yeah, Dieu t'a déjà appelé. Si tu es ici ce matin, tu as déjà appelé. C'est l'appel. Tu vas comprendre ça lorsque tu lis le livre. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Il a posé une question. L'évêque a posé, il dit, vous êtes appelé à faire quoi? C'est la question, je pense, beaucoup de vous vous demandez. Vous êtes appelé à faire quoi? Êtes-vous appelé à être apôtre, évangéliste ou enseignant? La réponse est simple. Non. Alléluia. Tu n'es pas nécessairement appelé pour être évangéliste. Tu n'es pas nécessairement pour être appelé apôtre. Tu n'es pas nécessairement appelé comme pasteur. Alléluia. Non. Bon nombre d'entre nous n'avons pas reçu ces grands appels fantastiques. Nous sommes tout simplement appelés à être féconds. Nous sommes tout simplement appelés à être fructueux de fruits. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah! Porter des fruits dans la maison. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour qu'on accueille? Ah, tu es en train de contribuer à l'avancement de l'œuvre. Alléluia. Peut-être que certains d'entre vous, le Seigneur va te rendre le plus riche dans ton pays. Et donc, tu fais quoi avec ça? Pour supporter l'œuvre avec ta richesse. Peut-être que tu ne peux pas aller parler de Jésus. Peut-être que tu n'as même pas le verbe pour dire que donne ta vie à Dieu. Mais le Seigneur te rend riche. Tu donnes ça à quelqu'un d'autre qui peut parler. Quelqu'un peut aller dans les villages pour aller prêcher l'évangile. Est-ce que vous comprenez? Yeah! Yeah! Pour certains, ils ont le verbe. Lorsqu'ils rencontrent les filles. La fille comme ça. Oh. Ils commencent à parler. Le français des français. Hey! I tell you. Yeah. Donc pour toi, le Seigneur t'a donné le verbe pour pouvoir propager la bonne nouvelle. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Yeah. Yeah. C'est étant que le Seigneur t'a donné la voix. Lorsque tu chantes, c'est comme les anges sont ici. Yeah. Est-ce que vous comprenez? Donc nous sommes tous là, nous sommes tous là. Pas appelés à être nécessairement. Il y aura des évangélistes, des pasteurs, des apôtres, des prophètes parmi nous. Mais ce n'est pas tout le monde qui sera prophète, non. Alléluia. Ils sont appelés à être fructueux, à porter de fruits dans la maison du Seigneur. Pourtant, peut-être qu'il y a un beau sourire. Et à cause de soi, il y a quelqu'un qui vient toujours parce qu'il voit le sourire là. Ou bien, vous ne savez pas qu'il y a des gens qui viennent à l'église à cause de toi. Yeah. Yeah. Tu es en train de porter de fruits avec ton sourire. Yeah. Est-ce que vous comprenez? Ah. Donc tout ça là, c'est de porter de fruits. De porter de fruits. Pour toi, tu ne peux même pas parler de Jésus. Mais tu peux convaincre quelqu'un de venir à l'église pour écouter la parole. C'est tout. Tu es en train de porter de fruits. Pour quelqu'un, tu peux faire comme ça. Et puis danser. Comme mon frère là, hier c'était pas facile. Mais les danseurs, vous dansez aujourd'hui? Vous dansez? Oh, mais le temps est passé. Okay. Dimanche prochain. Alléluia. Donc je lis ces versets, on va partir. Alléluia. On va continuer la semaine prochaine. Ce n'est pas vous qui m'avez élu. Ok? Mais Hein? Jean 15, verset 16, ceux qui n'ont pas le livre. Jean 15, verset 16. Si vous avez le livre, c'est un peu facile. Ok? Donc, si tu n'as pas le livre, ouvre la Bible. Jean 15, verset 16. La Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez élu, mais c'est moi qui vous ai élu et qui vous ai établi afin que vous alliez partout et que vous produisez du fruit et que votre fruit soit permanent afin que tout ce que vous demanderez au Père, au nom, à mon nom, il vous le donne. Waouh, ça c'est un verset que tu ne dois pas oublier. Lorsque tu portes de fruits pour Dieu, ta prière, mais tout ce que tu demandes, le Seigneur fait. Ça, c'est une condition pour recevoir une réponse de Dieu. Il dit que je vous ai choisi, que vous produisiez du fruit et que le fruit soit permanent. Et afin que tout ce que vous demanderez au Père, à mon nom, il vous le donne. Waouh! Waouh! Est-ce que tu peux porter de fruits dans la maison du Seigneur? Est-ce que tu peux faire quelque chose? Yeah, je veux voir beaucoup de danseurs, beaucoup de chanteurs, beaucoup de quoi? De rappeurs, beaucoup de musiciens, beaucoup de personnes qui veulent jouer à la batterie, au piano, à la guitare, beaucoup de personnes qui veulent faire quelque chose pour le Seigneur. Tu veux porter de fruits. Parce que beaucoup d'entre nous sommes appelés. Tu es appelé pour porter de fruits. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que tu peux faire dans la maison du Seigneur qui va contribuer à l'avancement de l'œuvre? Le Seigneur t'a appelé. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Et donc, la semaine prochaine, on va continuer. On n'a pas beaucoup de temps ce matin. Alléluia. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Alléluia. Donc, ceux qui ont le livre, continuez à lire parce qu'on ne va pas lire tout. Hein? Dans ces 6 semaines, on ne va pas lire tout. Donc, lisez à la maison. Et vous allez comprendre que l'appel, c'est simple. C'est pas quelque chose qui... Non. Alléluia. Levez-vous, s'il vous plaît. Je pense que vous êtes bénis ce matin. Yeah. Yeah. Est-ce que tu peux prier? Remercier le Seigneur. Remercier le Seigneur. Que toi aussi, tu as été appelé. Le Seigneur t'a choisi pour produire des fruits. Pour produire des fruits, pour porter des fruits. Des fruits permanents. Et lorsque tu pries le Seigneur va exaucer ta prière. Remercie le Seigneur. Ferme les yeux, remercie le Seigneur ce matin. Seigneur, merci. Que moi aussi, je peux faire quelque chose. Dans la maison. C'est pas seulement le pasteur qui peut venir chaque jour, dire que lui, c'est lui seul qui est appelé. Moi aussi, je suis appelé. Dans mon coin, je suis appelé. Pour porter des fruits. Je peux faire quelque chose. Au nom de Jésus, aide-moi. Donne-moi la grâce. Donne-moi la grâce. Seigneur, merci. Alléluia. Yeah. Avant de s'asseoir, fermer les yeux. Si tu es là, tu n'as même pas donné ta vie à Dieu. Tu n'as même pas reçu le premier appel. Le premier appel, c'est l'appel pour être sauvé. C'est le premier appel. Et tu n'as même pas cet appel. Ce matin, le Seigneur t'appelle, te donne cet appel. Et je te demande de répondre à cet appel. Si tu es là, tu n'as pas donné ta vie. La Bible dit que tu ne verras pas le royaume des cieux. Tu dois être né de nouveau. Pas entrer dans le sein de ta mère et renaître. Mais ton esprit sera né de nouveau. Et lorsque tu confesses, tu crois de ton cœur et tu confesses de ta bouche, tu es né de nouveau. Et le Seigneur t'a sauvé. Et ce matin, si tu es là et tu veux donner ta vie à Dieu, est-ce que tu peux lever la main? Le premier appel. Merci mon frère. Merci. Premier appel. Merci. Qui aussi veut lever la main? Tu veux donner ta vie à Dieu ce matin? Le Seigneur veut te sauver de l'enfer. Lève la main. Lève la main. Lève la main. Merci Seigneur. Ok? Ok, si tu as levé la main, viens. Viens, viens devant. Viens devant. Oh mon frère. Tu as levé la main, viens. Viens. Non, toi aussi. Toi aussi, tu as levé la main. Tu as levé la main, viens. Viens. Yeah. Alléluia. Amen. Yeah. La Bible dit que lorsque tu crois, tu as cru et tu as levé la main. Et il dit que lorsque tu confesses, tu crois et tu confesses de ta bouche, tu es sauvé, tu reçois le salut. Et ce matin, c'est ce que nous allons faire. Et tout le monde ferme les yeux. Et ceux qui sont devant, répétez après moi. Et tout le monde aussi répète. Dis Seigneur, je te remercie pour m'avoir appelé. Je réponds à cet appel et je viens devant et je confesse de ma bouche que Jésus est le Sauveur. Il est mort sur la croix pour me sauver. Il a pris ma place. Il a pris mes péchés. Ce matin, je le confesse. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, écris mon nom dans le livre de vie. Seigneur, donne-moi ta grâce pour te suivre le reste de ma vie. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen.